Parfois, je me lève, puis je me recouche. Souvent, je rêve, ensuite, je doute. Le temps défile, je sais pas quoi faire. La seule chose fiable, c'est mon coiffeur. J'aimerais taffer, mais je suis pas fait pour ça. Se lever à 7h tous les matins, j'ai trop la flemme pour ça. Je remets tout à demain. C'est l'un de mes plus vieux démons. Dès qu'il faut user de mes deux mains, toujours à deux doigts de mes démons. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme, copain. J'ai même la flemme de faire ce refrain. Souvent, j'ai la flemme de m'investir dans une relation qui va peut-être bientôt finir. J'aime pas les paris risqués, j'aime pas leur mettre des disquettes. Des fois c'est un peu obligé, un peu comme ce qu'on fait au fisc. J'suis un ami fidèle et sincère. Même si j'prends jamais de news, tu restes quand même mon frère. J'étais trop occupé à végéter dans mon lit. J'matais les combats de mon kid et Luffy. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme, copain. J'ai même la flemme de faire ce refrain. Je fais dans la procrastination. Maintenant que j'y suis, eh ben j'y reste. Je sais pas quelle est ma destination, mais ici on a lâché du lest. Je fais dans la procrastination. Maintenant que j'y suis, eh ben j'y reste. Je sais pas quelle est ma destination, mais ici on a lâché du lest. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme, copain. J'ai même la flemme de faire ce refrain. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme, copain. J'ai même la flemme de faire ce refrain.